Et ce n'est que lorsqu'il détruit l'intelligence en lui qu'il est parfaitement organisé dans son mental supérieur et qu'il est capable, à ce moment-là, de se servir de l'énergie de l'âme d'une façon parfaite pour transmuter ce qu'il a transmuté. Mais on était habitué au cours de la cinquième race et au cours de l'involution à recevoir des ordres, soit des ordres latéraux ou soit des ordres verticaux. Les religions sont devenues des ordres verticaux, les dix commandements, Moïse, ou des ordres latéraux, les institutions de l'homme quelconque. Et c'était nécessaire parce que l'homme vivait et l'homme était prisonnier de l'espace-temps. Mais lorsque l'homme ne sera plus prisonnier de l'espace-temps, l'homme n'a plus d'ordre à recevoir de personne. Et l'homme qui est aujourd'hui dans la matière doit s'habituer à ne plus recevoir d'ordre de personne. Pas tellement sur le plan matériel. Mais que ceci fasse partie de toute la réorganisation psychologique de son être. Mais intérieurement. De sorte que les hommes doivent éventuellement détruire en eux l'image qu'ils ont des guides en eux. Pour en arriver éventuellement à fracturer en eux l'émotion de la nécessité d'avoir un guide spirituel. Pour en arriver éventuellement à la capacité de reconnaître en eux toute imperfection dans l'intelligence qui sert à véhiculer vers eux l'énergie dont ils ont besoin pour avancer dans le temps. L'homme de demain ne peut plus être sujet ou assujetti à une forme d'intelligence. Il doit être intelligent. L'homme doit être intelligent. Et lorsque l'homme sera intelligent, ce sera ce que veut dire être intelligent. Pas être intelligent. Parce qu'un homme qui est intelligent, ce n'est pas nécessairement intelligent. Il est intelligent. Être intelligent, c'est avoir du bon sens dans son intelligence. Mais être intelligent, c'est détruire le bon sens de l'intelligence. Et un homme qui est pas capable de détruire le bon sens de l'intelligence n'est pas capable de détruire la forme qui a assujetti l'homme durant l'évolution. Il ne peut pas se considérer comme étant sûr de lui-même. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il est surhomme. Un surhomme, c'est un homme qui est sûr de lui-même. Qui est sûr d'être sûr. Ça veut dire cinq choses, être sûr d'être sûr. Être sûr d'être sûr, ça veut dire détruire en soi le vouloir de tout savoir, détruire en soi la nécessité de tout savoir, détruire en soi le pouvoir de tout savoir, détruire en soi la foi de notre savoir et détruire en soi tout ce qui est soi. Autrement dit, tout ce qui est égo. Réfléchi par le biais de la lumière astrale. Mais l'homme ne peut pas vivre deux vies. L'homme ne peut pas vivre une vie patiente et une vie de mouvement. Parce que lorsque l'homme est devenu conscient et qu'il vit une vie de patience, qu'il a vécu la patience, qu'il est dans l'état de la patience, il est obligé à ce moment-là de détruire la patience pour engendrer le mouvement. Mais l'homme ne peut pas engendrer le mouvement tant qu'il n'a pas connu la période de la patience. Parce que la période de la patience, lui, a servi à détruire en lui l'égocentrisme. Et la période de mouvement nécessite qu'il utilise constamment, d'une façon permanente, son intelligence pour détruire la patience afin d'engendrer le mouvement dans l'esprit de l'homme ou sur le plan où il est actif. Alors, bien que la patience soit nécessaire et un état qui grandit dans l'homme, à un certain moment, l'homme doit détruire la patience. Et il y a seulement une chose dans le monde qui détruit la patience, et c'est la parole. Pourquoi la parole détruit la patience? Parce que lorsque l'homme est dans la parole, l'homme est dans le temps de son esprit. Et lorsque l'homme est dans le temps de son esprit, il ne souffre plus du temps. Comme il ne souffre plus du temps, il n'est plus dans l'état de patience. Mais ça se comprend pas. Ça se sait. C'est pour ça que l'homme de la sixième race œuvrera, travaillera avec la parole. Transmutera avec la parole. Élèvera avec la parole. Fera croître avec la parole. La parole sera son outil. Parce qu'il sera libre du temps. Parce qu'il aura dépassé l'état de patience. Mais pour que l'homme dépasse l'état de patience, il faut qu'il développe l'état de patience. Et les hommes de la cinquième race qui vont vers la sixième sont dans ce stade d'évolution où ils doivent vivre et souffrir de l'état de patience pour éventuellement le détruire. Et sur le plan psychologique, c'est probablement la plus profonde insulte à l'intelligence de l'homme. Parce que être patient, l'état de patience, devient une résistance pour l'homme qui le centre, qui détruit son égocentrisme, mais qui éventuellement devient une insulte à l'intelligence. Et je vais vous dire une chose, l'homme découvrira un jour que tout ce qu'il sait est une intelligence. Et tout ce qu'il sait est une insulte à son intelligence. Quand vous pourrez comprendre que tout ce que vous savez est une insulte à votre intelligence, vous comprendrez pourquoi l'homme est prisonnier de l'espace-temps. Tout ce qu'on sait est une insulte à notre intelligence. Tout. Absolument tout. Tout. C'est probablement un des plus grands secrets de la sixième race. Tout ce qu'on sait est une insulte à l'intelligence de l'homme. C'est tout bon. Je vous ai arrêté deux minutes. Le deuxième volet de la doctrine a à faire avec la culpabilité de l'homme. L'homme est un être social. L'homme est un être culturel. L'homme est un être qui a des responsabilités. L'homme est un être qui doit quelque chose. L'homme de la sixième race ne doit rien à aucune société. Il ne doit rien à aucun homme. La raison pour laquelle je dis ça est très simple. C'est que lorsque l'homme de la sixième race a conscientisé en lui le germe de sa conscience, lorsqu'il a donné naissance en lui à l'intelligence de son savoir, et qu'il a commencé à percevoir, à se percevoir selon des lignes de force qui sont totalement inaltérables de l'extérieur, perd tout désir de plaire, perd tout désir de se plier à une exigence quelconque. Parce que tout désir de plaire ou tout désir de se plier à une exigence quelconque renforcit en lui les forces de domination. Et automatiquement, il se sent pris à la gorge. Quand je parle de la gorge, je parle de la gorge mentale. Je parle de la gorge interne. Et ça, ça l'amène éventuellement à suffisamment aiguiser son système nerveux pour que ce dernier puisse supporter à l'avantage de son calme parfait toutes les intrusions venant de l'extérieur qui cherchent à l'attaquer ou qui cherchent à empêcher que se fasse en lui cet acheminement vers ce calme qui est la plateforme à partir de laquelle il passera l'éthérique. Mais l'homme est un être qui est sentimentalement attaché à sa culpabilité. Et si vous regardez les effets de la culpabilité ou si vous regardez les mécanismes de la culpabilité dans votre vie, vous allez voir, d'une façon extrêmement nuancée peut-être, mais vous allez voir que là où il y a culpabilité, il y a un peu d'amour. Aussitôt que l'ego agit avec autorité contre quoi que ce soit, il y a une culpabilité qui s'installe. Aussitôt, la moindre chose. Aussitôt que l'ego de l'homme agit avec autorité, autrement dit, aussitôt que l'homme se sert de son esprit pour agir, pour activer une énergie quelconque, il y a une petite vibration. Il y a une petite culpabilité. L'homme ne peut pas vivre sans une moindre vibration de culpabilité lorsque son esprit égoïque entre en action. Pour deux raisons. Parce que l'homme n'est pas, d'abord, fusionné. Et deuxièmement, parce que l'homme n'est pas parfaitement centré. De sorte que sa conscience naturelle prend avantage de sa conscience supramentale pour diminuer l'intensité de cette conscience supramentale-là, afin d'asservir l'homme et de le rendre constamment proportionnel à son état émotif. Et l'homme vit constamment cette proportionnalité à son état émotif. Plus il se mentalise, plus la proportionnalité diminue. Mais plus il se mentalise, plus il devient délicat dans la manœuvre de son esprit contre les structures psychologiques de son temps historique. De sorte que, quel que soit l'effort, quelle que soit la grandiose perception de son juste mouvement, il est incapable de se subtiliser de cette vibration bâtarde qui résulte du contact vibratoire entre son astral et l'astral de l'autre. Puis c'est tellement puissant, ça, ce frein-là, c'est tellement fort que c'est ça qui garde les hommes ensemble. Les hommes pensent qu'ils sont gardés ensemble par l'amour. Non. C'est pas par l'amour que les hommes sont gardés ensemble, c'est par la culpabilité. Mettez ça dans votre pipe. C'est par la culpabilité que les hommes sont tenus ensemble, ce n'est pas par l'amour. L'amour donne aux hommes la sécurité d'être ensemble. Mais la culpabilité leur envoie le pouvoir de se dissoudre. La culpabilité leur enlève le pouvoir de se centrer. La culpabilité leur enlève le pouvoir de transcender l'alliance raciale pour qu'ils entrent dans la congénitation de leur mental supérieur. Et les hommes ne sont pas prêts à rentrer dans la congénitation de leur mental supérieur parce que les hommes ne sont pas suffisamment centrés. De sorte qu'aujourd'hui, si je faisais des prophéties dans 15 ans, il y en a bien parmi vous autres qui auraient les cheveux gris. Parce qu'il y a seulement une alliance qui peut servir l'homme. C'est l'alliance à l'intérieur de l'alliance. Mais là où il n'y a pas une alliance à l'intérieur de l'alliance, à un certain moment, l'alliance doit être automatiquement rompue. Quels que soient les motifs, quelles que soient les raisons, la vibration de l'âme vous fera détruire l'alliance qui est liée à l'émotivité. Et ce sera le test pour certains de leur capacité de transiger immortellement avec l'infinité de leur conscience. Parce qu'à un certain moment donné, dans l'évolution de l'homme de la cinquième vers la sixième race, l'homme doit vivre un test. L'homme doit passer à travers un monument de son existence. Et le monument de son existence est celui qui le rattache le plus à son existence. L'homme de la sixième race ne peut pas vivre sa vie matérielle, racialement. Il ne peut la vivre que mentalement. Et la culpabilité, dans sa nuance, dans sa dimension occulte, dans sa vibration intérieure, deviendra tellement évidente à l'homme que ce dernier-là ne pourra plus, à un certain moment, nier sa fraternité avec les immortels. Mais tant que l'homme est racialement attaché et qu'il se sert de la culpabilité pour maintenir le lien, il est obligé de nier son lien avec les immortels. Parce que les immortels ne sont pas des hommes qui s'attaquent à la condition de l'homme. Ce sont des hommes qui montrent, qui démontrent, qui exposent la condition de l'homme. Et qu'il expose d'une façon suffisamment parfaite pour empêcher l'homme qui est racialement teinté dans son émotivité et dans son mental inférieur, pour empêcher que cet homme-là produise dans son esprit égocentrique suffisamment d'espoir pour vivre deux vies à la fois. À un certain moment, le lien avec les immortels, que ce soit sur un plan ou sur un autre, devient tellement puissant que l'homme racial de l'évolution est obligé de détruire, de fracasser la tête de la culpabilité. Parce qu'à un certain moment, le lien de l'homme racial est avec les immortels d'une façon absolue. Et quand je dis d'une façon absolue, je dis d'une façon absolue. Parce que les immortels, la conscience des immortels, n'est pas une conscience planétaire, c'est une conscience cosmique. Tandis que l'homme a une conscience planétaire. Alors, pour qu'il passe à la conscience cosmique, il est obligé à un certain moment de briser des alliances pour en former une autre. Autrement dit, détruire, fracasser la tête de la culpabilité pour engendrer en lui suffisamment de désintéressement envers son émotivité pour qu'il ouvre finalement la porte du troisième œil. Parce que le troisième œil, le centre du pouvoir mental de l'homme, n'est pas une faculté, comme les hindous le pensent. Ce n'est pas une faculté comme les hindous l'ont décrit pendant des siècles. Ce n'est pas une faculté. C'est ce que je veux dire quand je dis que c'est pas une faculté. Expliquer le système solaire. Dire qu'il y a tant de planètes dans le système solaire qui tournent autour du Soleil. C'est pas expliquer le système solaire. C'est faire des observations matérielles sur le système solaire. Les orientaux ont fait depuis des siècles des observations matérielles ou astrales sur le système de l'homme. Mais n'ont jamais décrit le système de l'homme. Parce que le système de l'homme ne se décrit pas. Mais la preuve que le système de l'homme ne se décrit pas, c'est que tout est atomique. Et comme tout est atomique, et que tout ce qui doit être compris dans la mécanique de la conscience, que ce soit une conscience planétaire ou que ce soit une conscience humaine, que ce soit une conscience biologique, animale, tout ce qui doit être compris dans le contexte de la conscience, ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas de la conscience. Ça se vit. C'est pour ça que les mots sont simplement des formes pour véhiculer de l'énergie qui transmute les formes qui engendrent de l'énergie qui amène l'homme à la conscience du supramental. Si je vous dis que le troisième œil de l'homme, ce qu'on appelle, ce que les hindous ont placé ici, le troisième œil de l'homme se retrouve dans la main de l'homme. Si tu regardes Croteau dans ma main, le même centre d'énergie est dans ma main comme il est dans mon front. Parce que la conscience supramentale est unidimensionnelle. Si l'homme est à structurer d'une façon axiale au niveau de l'éther, ce sera absolument impossible pour l'homme de diriger la conscience du temps. Parce que pour diriger la conscience du temps, il faut que l'homme soit totalement en dehors de la conscience mémorifique du temps. C'est la conscience mémorifique du temps qui construit la forme, qui construit l'axe des centres d'énergie de l'homme. Mais ça, cette qualité-là, qui constitue le dossier même de l'organisation matérielle de la forme pour le passage de l'éther à la matière, est infiniment mensonger. C'est pour ça que les hommes ne comprendront jamais le mystère des extraterrestres. Puis que l'homme ne connaîtra jamais le mystère de l'homme parce que l'homme a des conceptions sur la qualité de sa structure, qui ont été vécues, qui ont été véhiculées, qui ont été expérimentées par son mouvement dans l'astral, qui est le siège même du mensonge de la forme. Fait que montre-toi pas pourquoi est-ce que l'homme, aujourd'hui, à la fin de la cinquième race, est totalement enraciné dans des formes quelconques de l'occulte puis de l'ésotérisme, avec lequel il s'amuse pour intensifier en lui la permission de son pouvoir, l'espoir de son pouvoir. Tu sais, quand tu regardes quelque chose avec un microscope, tu le vois pas comme tu le voyais avant. L'homme, c'est la même chose. Quand tu regardes l'homme avec les yeux de l'astral, puis tu regardes l'homme d'une autre façon, tu le vois pas comme tu le voyais avec les yeux de l'astral. C'est pour ça que des types comme Lévesque puis Bessette ont perdu la faculté astrale. Parce qu'il y a absolument rien dans ces facultés-là qui peuvent les amener à la conscience atomique de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas vivre de faculté. L'homme a vécu de faculté depuis 5, 10, 15 000 ans. L'homme ne peut pas vivre de faculté. Les extraterrestres ne vivent pas de faculté. Tant que l'homme vit de faculté, c'est parce qu'il est égocentré à un niveau quelconque. Il est dans la conscience même qu'on veut qu'il ait. Mais l'homme ne peut pas être dans la conscience parce que l'homme, pour être dans la conscience, doit être capable de détruire les conditions même de la conscience. L'homme, pour être dans la conscience, doit être capable de détruire les conditions même de la conscience. Il détruit les conditions même de la conscience. C'est détruire toute l'intelligence de l'homme. L'homme doit détruire l'intelligence de l'homme. C'est pour ça que l'homme ne peut pas être cosmique. C'est pour ça que la stature de l'homme est renversée. C'est pour ça que l'homme de demain sera un dieu dans les terres. Il ne côtoiera pas les hommes. Parce que le mystère de l'homme ne peut pas se comprendre parce que l'homme a l'espoir, mais il ne peut se comprendre que lorsque l'homme est suffisamment dans l'intelligence pour détruire l'intelligence qui est la fondation même de la civilisation, de l'évolution. Chaque fois que je me lève contre le mensonge cosmique sur la Terre, je pleure. Chaque fois. Puis je pleure parce que le mensonge est profond. Puis mon intelligence est plus profonde que le mensonge. C'est pour ça que je pleure. Puis que j'essaye d'en donner, simplement donner de l'énergie dans une forme pour que quand je partirai en 84, les gens aient suffisamment d'énergie pour détruire les formes de leur propre intelligence. J'aurais constitué le noyau de la sixième race de l'homme. L'homme doit se lever dans sa propre intelligence. L'homme doit détruire sa propre intelligence. Je vous parle pour demain. Moi, je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai souffert la fusion puis l'initiation. Je le comprends. Je vais vous dire pourquoi je le comprends. Parce que je le comprends. C'est quand tu comprends quelque chose que tu le comprends. Mais tu le comprends parce que tu peux le dire. Puis tant que tu peux pas dire quelque chose, tu comprends rien. C'est pour ça que vous comprenez. Parce que vous êtes pas capable de le dire. Dans un certain moment dans votre vie, vous allez être capable de le dire. Parce que vous allez comprendre. C'est essentiel que l'homme puisse le dire. Parce que tant que je serai le seul homme sur la planète qui pourra dire, je serai le seul homme sur la planète qui pourra pas amener sur la planète Terre les pouvoirs qui font partie de mon mandat. Lorsque l'homme pourra le dire, les pouvoirs de mon mandat seront exécutés sur la planète Terre. Il faut que l'homme puisse le dire. Ça fait ici. C'est pas moi qui retarde l'évolution de l'art. C'est l'homme qui retarde l'exécution de mon mandat. Mais pour que l'homme puisse le dire, il faut qu'il souffre de lui-même. Il faut qu'il souffre des formes de tous les niveaux de phare qui constituent le mur qui lui cache la vision des choses. C'est pour ça que lorsque l'homme pourra le dire, il n'y aura plus de maître sur la terre. Ou si l'homme rencontre un maître, le maître devra faire chemin devant lui. Il y en a qui me disent, je vais être libre quand je pourrai exprimer ce que je sais. Moi, je vous dis, vous serez libre quand vous ne saurez plus rien. Vous serez libre quand vous souffrirez plus de vouloir exprimer ce que vous savez. Vous serez libre quand vous serez plus intéressé à rien de ce que vous savez. Vous serez libre quand il n'y aura plus en vous aucune pulsation de votre ego. pour quelque bonne raison que ce soit. C'est pourquoi vous serez libre quand ça sera le temps. Que ce soit dans 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, ou 2 ans. Quand ça sera le temps, vous serez libre. En attendant, vivez votre expérience. Petit train va loin. Mais je vous dis suffisamment de choses pour constamment contrer vos tendances naturelles à l'évolution. Parce que tout, chacun de vous, cherche à évoluer. Tout le monde veut évoluer. Je vais vous dire une chose. Un jour, vous comprendrez que vouloir évoluer, c'est équivalent à vouloir désirer. Puis quand vous serez assez écœuré d'évoluer, puis de vouloir évoluer, c'est à ce moment-là que vous commencerez à changer vos vibrations. Que vous sortirez de votre égocentrisme, puis que vous entrerez dans votre propre lumière. Tant que vous évoluez, c'est parce que vous êtes encore en évolution. Un homme qui veut évoluer est automatiquement en évolution parce que être dans l'évolution, ça fait partie du désir implanté dans l'esprit de l'homme d'évoluer. Ce qui est bon philosophiquement dans l'évolution devient exécrable dans le cycle nouveau. Ce qui est bon dans l'évolution, ce qui est considéré comme positif dans l'évolution, ce qui est considéré comme dynamique dans l'évolution, ce qui est considéré comme hautement favorable dans l'évolution, lorsque l'homme transmute dans la sixième race, ça n'a plus d'importance. Parce qu'à un certain moment donné, t'es dans la même situation que le président de la compagnie. Quand tu travailles dans le plan, tu veux monter. Puis tu veux monter, puis tu veux monter. Finalement, un jour, t'arrives, tu deviens président de la compagnie. Quelle place que tu vas, rendu président de la compagnie? T'as plus de place à aller. Tu te décourages. Le Peter Principal. Puis pourtant, c'est quand tu es rendu président de compagnie que tu devrais te mettre les pieds sur la table. Alors que le Peter Principal est négatif, est considéré négatif psychologiquement parce qu'il est péjoratif au niveau de l'accentuation du pouvoir de détermination et d'évolution et d'ambition de la nature humaine. Sur le plan cosmique, le Peter Principal est très valable parce que rendu on the top, tu fais plus rien. Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Tu as tout fait. À ce moment-là, tu structures, tu organises, tu crées pour que les autres fassent. Un président de compagnie ne devra jamais se mettre les mains à la pâte. Il devra simplement parler sur le téléx. On n'est pas des fourmis dans le désert! Qui travaille, puis qui travaille, puis qui travaille, puis qui n'arrête pas de travailler. Faut qu'un jour l'homme arrête de travailler. Faut qu'un jour l'homme fasse plus rien. Faut qu'un jour l'homme crée. Quand l'homme crée, il ne fera plus rien. Parce que on a des facultés. Dont on ne connaît pas la provenance. Et qui nous étouffent. Je vous en nomme une. On a des facultés télépathiques. qu'on réalise pas parce qu'on est trop inconscient. Ces facultés télépathiques-là, quand on commence à s'en apercevoir, on les aime, on les chérit. Il y en a même qui essayent de développer ces facultés télépathiques-là. Communiquer à distance avec un gars. Les hommes comprendront un jour que quand tu es dans la conscience cosmique, tu n'as aucune faculté. Tu es simplement énergie. Et aussitôt qu'on pense en termes de faculté, on égocentrise la valeur de notre existence. Et on se coupe du plan immortel de la conscience universelle. De sorte que toute notre vie est dirigée vers quelque chose. Même vous autres. Il y en a parmi vous autres qui sont dirigés vers quelque chose, qui semblent aller vers quelque chose. Faites bien attention à ça. Je vous le dis aujourd'hui. Ceux qui me suivent se coupent. Ceux qui me suivent se coupent de la conscience universelle, de l'immortalité. Faites bien attention à ça. C'est ce que je veux dire. Ceux qui passent du temps avec moi, c'est une autre chose. Mais ceux qui me suivent se coupent de l'immortalité. Me suivre, ça veut dire deux choses. Être attaché émotivement à ma personne, puis avoir l'espoir de découvrir quelque chose. Ça, c'est ce me suit. Les hommes doivent être suffisamment autonomes pour ne pas me suivre. C'est mortel, me suivre. Me savoir. Parce que vous savez, c'est une chose, mais me suivre, c'est une autre chose. Vous ne pouvez pas vous permettre de me suivre. Puis je vous le dis, je le dis aujourd'hui, au risque de vous ennuyer. Parce que ceux qui sont dans le plan mondial de la sixième race, ceux qui font partie du mouvement intérieur de la sixième race, ceux qui font partie du noyau de la sixième race, ceux qui font partie des pères de la sixième race, ne me suivent pas. Ils me savent, parce qu'ils se savent, mais ils me suivent pas. Ah, le voile de me suivre doit être détruit. C'est tout pour ça que je suis obligé de vous le dire, pour le détruire, ce voile-là. Parce que si je le détruis pas, il y en a parmi vous autres, puis les autres centaines, qui vont me suivre pour rien. Qui vont me suivre trop longtemps. Qui vont perdre de leur propre énergie. Vous pouvez pas me suivre. Vous devez être vous-même. Puis avancez lentement, lentement, lentement, dans votre propre direction, qui est la même direction de tous ceux qui s'en vont vers tel point. C'est bien subtil, ce que je dis là. Pourquoi est-ce que j'invite pas de monde chez nous? Pourquoi je dis pas, Bessette, pourquoi tu viens pas prendre un petit café? Pour pas qu'il y ait de lien entre moi et puis Bessette. Pas parce que j'aimerais pas ça avoir prendre un petit café chez nous. Mais pour pas qu'il y ait de lien entre moi et puis le monde. Comme précision, là, si aujourd'hui je ne devais plus t'entendre parler, que ce soit dans la même ou à Joliette, comme exemple, si je devais faire ça et que je ressentais que je manque ton instruction, est-ce que c'est ça que tu veux appeler? Que tu quoi? Je manquerais ton instruction. Oui. Oui. Est-ce que c'est ça que tu veux dire que je serais en train de te suivre? Me suis. Bernard, on peut suivre quelqu'un pour manger le poisson que cette personne-là n'a pas pêché pour elle, mais tu peux suivre quelqu'un pour apprendre à pêcher. Ouais. Ouais. C'est la deuxième qui est bonne. Tu peux suivre pour apprendre à pêcher. Ouais. Là, t'apprends. Tu ne suis plus, là. Tu fais une expérience. Suivre, c'est émotif. Apprendre à pêcher du poisson, c'est mental. Puis les gens, où il y aura de l'émotion, où il y aura de l'émotivité dans mes rapports avec les gens, je serai obligé quelque part dans le temps de les briser. Parce que ma conscience ne me le permet pas. Parce que mon intelligence le voue trop. Parce que mon intelligence doit détruire ce qui lie l'homme à l'homme. Pour que l'homme devienne totalement autonome. Moi, je vous parle. Oui, je pleure encore. Parce que chaque fois que je réalise quelque chose d'essentiel pour l'homme, je pleure. Parce que c'est tellement nuancé, c'est tellement loin. C'est tellement essentiel et important pour l'homme que l'homme ne le voit pas. C'est comme quand t'es un petit gars, tout le respect que j'ai pour vous autres en tant qu'adulte. Quand t'es un petit gars, t'es un enfant, tu vois des choses que lui peut pas voir. Avec la meilleure volonté au monde. Ma relation avec vous autres sur le plan mental, c'est la même chose. Jouer des choses que vous pouvez pas voir, pis c'est pour ça que je pleure. Puis même si je suis obligé de détruire des ponts émotifs, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon travail, ça fait partie de mon œuvre. Ça fait partie de mon instruction. Ça fait partie de la conscience. Je suis venu sur le plan matériel pour détruire les formes qui dominent l'humanité. Je suis venu sur le plan matériel pour combattre totalement les forces du mal planétaire. Je peux pas engendrer même la nuance d'une forme qui appartient aux lois du mal planétaire. C'est pour ça que je suis obligé de dire au monde, les gens qui me suivent ne peuvent pas entrer dans la conscience, dans le conclave. Bon, au ciel, c'est impossible. Parce que chaque homme a en lui la lumière. Je peux montrer au gars comment pêcher. Je peux montrer au gars comment penser, comment pas penser, comment détruire les pensées, comment détruire l'intelligence d'avant, comment l'instruction. Mais faut pas qu'il y ait d'émotion dedans. Tout relève de l'expérience personnelle. Tout relève de l'expérience personnelle. Tout. Il y en a qui comprennent ça. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Vous autres, vous regardez. Vous autres, vous me voyez comme un homme qui parle, un homme qui a une certaine capacité de parler. Vous ne me voyez pas comme je suis. Moi, je suis un homme qui souffre constamment. Je suis constamment dans la souffrance, et la souffrance, et la souffrance, et la souffrance, et la souffrance. Ma souffrance, c'est le feu de mon esprit. Puis ma souffrance va durer jusqu'à temps que je changerai pas de plan, tant que j'aurai pas fini mon travail. Et c'est cette souffrance-là qui m'amène à donner à l'homme l'instruction. Si j'avais pas cette souffrance-là, je la donnerais pas à l'homme l'instruction. Va t'en donner une, tu feras. Va t'en montrer une, tu feras. Tu feras Bezette. Hein? Tout le monde dit que je l'aime, Bezette. C'est mon chum. Mais Bezette. Bezette. Mon grand désir sur la terre. Mon grand désir sur la terre. C'est que Bessette rentre dans les terres avec moi. Ça, c'est mon grand désir. Ça, c'est mon désir temporel. C'est mon désir là. Je l'ai pas pour Croteau, ça. Je l'ai pas pour lui, ça. Je l'ai pour Bessette pour des raisons occultes. Pour le passé.